Studek Web. Vous écoutez Studek Web, il est 17h. Studek Web, les infos. 17h, l'heure des informations avec vous, Théodore Laborde. Bonjour Théodore. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Et on débute ce flash avec Theresa May, la première ministre britannique a réuni son gouvernement pour défendre le projet d'accord sur le Brexit. Elle tente de convaincre ses ministres de surmonter leurs divisions pour permettre l'organisation d'un sommet exceptionnel avec les différents dirigeants européens. Et on l'a appris un peu plus tôt dans la journée, l'avocat général a requis 6 ans de prison ferme à l'encontre de Georges Tron. L'ex-secrétaire d'État est accusé de viol sur 2 de ses anciennes employées. 4 ans de prison ferme également requis à l'encontre de son ancienne adjointe à la culture, Brigitte Gruel, en charge de ce procès depuis le 23 octobre dernier. Les assises de Seine-Saint-Denis demandent également que tous deux soient inscrits sur le fichier des délinquants sexuels. Après la plus violente confrontation entre Israël et Palestine depuis la guerre de 2014, le cessez-le-feu tient bon, au moins provisoirement, mais il sème la discorde dans la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a exprimé son désaccord avec l'arrêt des frappes israéliennes et dans la bande de Gaza, des centaines de roquettes et d'obus mortiers ont été tirés par les groupes armés palestiniens. L'armée israélienne, elle, a bombardé des dizaines de positions dans l'enclave. Bilan de cet affrontement, 14 Palestiniens ont été tués, un officier israélien est mort et un Palestinien travaillant en Israël a été tué par une roquette. Finaliste malheureux du Grand Prix du roman de l'Académie française et du Goncourt, Thomas Reverdy a obtenu aujourd'hui le prix de l'intégralité pour son roman L'hiver du mécontentement, édité chez Flammarion, un roman qualifié de trépidant et captivant sur l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. Et du sport maintenant avec la suite du Masters 1000 de Londres dans le groupe Querten. Le premier mondial Novak Djokovic s'est défait cet après-midi de l'Allemand Zverev en 2-7, 6-4, 6-1. Le Serbe conforte sa première place. La rencontre entre les 3e et 4e du groupe aura lieu à 21h ce soir. Et dans le groupe E8, le Sud-Africain Kevin Anderson occupe la première place, suivi de Kei Nishikori et Roger Federer. Dominic Thiem est dernier après sa défaite hier soir face au Suisse Roger Federer. Et on s'intéresse à la couleur du ciel maintenant. Après une journée très ensoleillée sur tout le pays, la soirée s'annonce tout aussi douce. Pas de risque de pluie pour ce soir, des températures de saison comprises entre 5 et 13 degrés. On attend 5 degrés à Metz, 7 à Lens et à Rennes, 9 à Paris, 11 à Nice et une maximale de 13 degrés à Toulon. Bonne soirée sur Studek Web. Merci Théodore. Prochain point sur l'info à 17h20. Studek Web. Une radio des hits. Studek. Du kiff. Studek Web. On est là, 17h02, vous écoutez Studek Web, merci, vous avez du goût, bougez surtout pas, on va passer une superbe fin de soirée, début de soirée déjà, ça sera bien, pour de la radio plaisir ensemble avec mes trois mousquetons du GPS, le Grand Prime Studek Web, à tout de suite. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le talkie que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio, madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Tiens, reculez. Qui de mieux que Steph, Baptiste et Bilal pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi, de 17h à 18h, pour Roule dans le GPS sur Studek Web. Bienvenue dans le Grand Prime Studek, le GPS tout simplement. Plus que jamais, les absents auront tort. Une émission plaisir qui vous ressemble, qui nous ressemble. Et comme son nom l'indique, vous raccompagne tout en douceur chez vous, que ce soit la sortie du taf, des cours ou chez vos maîtresses, vos amants, mesdames, messieurs. Ça fonctionne aussi. Ouais. Ça marche dans tous les cas. On n'a qu'une mission tous les soirs, vous faire vivre la radio en version originale grâce à un savant cocktail de musique, d'humour et d'infos. C'est en quelque sorte l'Happy Hour avant l'heure, on est d'accord. C'est complètement eux, ça. Ils relèvent le challenge du lundi au jeudi. Je suis en studio avec mes groommen, mes animateurs d'origine contrôlés. Steph Le Relief et Bilal sont avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Baptiste. Plus que des mousquetaires, ce sont des mousquetons, ils sont rattachants. Hein. Mais vous savez tout comme moi que les mousquetons sont trois. Et justement, pour compléter cette belle équipe, j'accueille Claire Pipolo qui vient faire respecter la parité, enfin presque. Bonjour Claire. Baptiste. Claire, tout droit envoyée de notre belle rédaction de Studek Web et qui va nous épauler pendant toute l'heure pour votre plus grand bonheur. On va passer un très bon moment. On ira faire le tour de notre jolie planète avec toi puisque tu as des infos incroyables à nous faire partager. Et puis vous le savez, on est joueurs, je vous ai préparé un petit quiz des familles. Ça se passera en fin d'émission dans l'intersection. Attention à la priorité. Alors messieurs, qu'avez-vous préparé de bon pour ce GPS du mercredi? Eh ben écoute Baptiste, dans moins d'une minute, je dévoilerai le premier indice de la marche arrière. La marche arrière, c'est super simple, 4 indices. Une seule année à découvrir, si vous avez une idée de l'année dont je vous parle, ça se passe sur Facebook, sur la page Studek Web par message. D'accord, et rapidement Bilal. Moi je vais vous parler d'un événement qu'il y a eu hier. Donc okay. J'en dis pas plus, on vous verrez après. Côté musique, j'ai sélectionné ceux qui se faisaient de mieux sur Studekweb. Un petit aperçu, on va écouter ça. I'm not your toy, not your toy. Yes, c'est Netta, elle est israélienne, on l'a connue avec l'Eurovision. Et le titre c'est Toy, il y aura également ce son. Petit son de lover, love, there is no way. Mais que serait une émission réussie sans jeu? Heureusement pour vous, ici, on a le jeu de la marche arrière et c'est Steph qui embraye. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Studekweb. La marche arrière. Une blinde en carrossier, cette histoire. Eh oui, toujours. La marche arrière, l'occasion parfaite de gagner un super cadeau chez vous. Steph, on part sur un premier indice. Pour nos auditeurs, on t'écoute. Ouais, je réexplique juste les règles. 4 indices, une seule année à découvrir pendant tout le long de l'émission. Je vous donnerai des indices. Ils peuvent être illustrés par un son ou pas, ça dépend de mon envie. Et on commence directement avec le premier indice. La France, de nouveau sous la canicule. Vous en êtes forcément aperçu. Toutes les régions sont touchées par cette vague de chaleur. Cet après-midi, les températures ont dépassé les 40 degrés à l'ombre dans le sud-ouest. 40 degrés à l'ombre dans le sud-ouest, ça s'était passé pendant la première quinzaine du mois d'août. De quelle année je suis en train de vous parler? Votre réponse par message privé sur la page Facebook Studekweb. Vous nous laissez votre numéro de téléphone, votre prénom et votre réponse, bien évidemment. Super, merci à toi pour ce brief, Steph. Rendez-vous dans 15 minutes pour le prochain indice. Exactement. Allez, le premier son de la soirée, le voici, le dernier, Lady Gaga. Ça s'appelle Shallow, ça veut dire peu profond en anglais. Tout l'opposé de sa prestation incroyable dans Star is Born. Aux côtés de Bradley Cooper, film pour le moins très profond, on écoute et on savoure sur Studekweb. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Lady Gaga avec Shallow, 100 millions de vues sur YouTube. Rien que ça. Et c'est sur Studekweb, bien sûr. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Ah, c'est pas vrai. Qui sait qui a encore coupé la lumière? Voilà, c'est mieux. Ça éblouit. C'est l'heure de plein phare sur Studekweb. J'adore. 17h10, vous êtes en plein dans le GPS sur Studek Web. L'heure pour moi de laisser la parole à Bilal l'exceptionnel, ouais, qui vient de changer les feux de sa vieille R21. Ça tombe bien, c'est l'heure de plein phare. Eh ben quand tu veux, hein, mon petit pote. Je vais vous parler d'un événement qu'il y a eu hier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Zevent. C'était une partie sur Twitch suivie par des millions de spectateurs. Cet événement était à but caritatif pour soutenir Médecins Sans Frontières. Et à cette géante partie en ligne étaient présents les meilleurs streamers de France. Ils étaient 39 au total pour plus de 50 heures de live. À vos lives ! À vos lives, prêts à streamer ! On va commencer par la base, les gars. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un streamer ? À vos lives ! Non. Je c'est ne sais pas, Bilal, explique-moi. C'est un mec qui partage de la musique ou du son. Non, vidéo, le streamer est la personne qui propose son contenu en direct à une audience en proposant son streaming. L'audience peut se connecter dessus et regarder ce que le streamer fait, en fait. Et en général, c'est les streamers gaming qui ont le plus la cote. Okay. Après, il y a trois sortes de streamers. Il y a le streamer de haut niveau, ceux qui sont rémunérés, qui ont une très forte communauté et qui en font en soi leur métier. Après, il y a les streamers présentateurs, ceux qui jouent à un jeu et qui le présentent. Pour le faire connaître, en gros, ils le promouvoient. Ils sont... peut-être payé, ouais, même payé pour par la marque. Et il y a les passionnés, ceux qui font ça pour le plaisir et qui jouent généralement en ligne entre amis. Et pour revenir à l'événement d'hier, il y avait une cagnotte disponible où les spectateurs pouvaient y déposer la somme qu'ils le souhaitaient. Et un peu plus d'un million d'euros ont été récoltés, ce qui a fait sauter de joie les streamers. Ça y est, c'est pas un million d'euros. Ah ouais, ils sont comme des ouf. Un million. Ouais, ils ont récolté plus de 1 million d'euros pour Médecins Sans Frontières. Et les streamers avaient d'ailleurs fait le pari que s'ils dépassaient le million, ils se raseraient la tête. 15 pour l'instant ont rempli leur gage. Il y en a 15 qui ont rempli leur gage. Il faut y aller, les gars. Et on va suivre ça sur les réseaux pour voir si les autres vont suivre le pari. Donc j'imagine que Britney Spears devait être streameuse à l'époque. Oh, à l'époque déjà, tu sais. C'est bon, mon petit Bel, c'est parfait. Merci, Bilal. Comme toujours, tu nous éblouis avec tes pleins phares. De l'autre côté de la table, il est plutôt son que lumière. Entre deux écoutes de standards du jazz et de la soul music, Steph est encore passé chez son disquaire préféré afin de nous dénicher le vinyle qui fait la diff. C'est Vinyl Story sur Studek Web. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je peux faire quelque chose pour vous ? Oui, j'ai une envie de vinyle. Ah, vous avez frappé à la bonne porte. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Quelle coquine. Et oui, Bilal, Baptiste, pardon, oh là là, c'est moi, je c'est confonds, aussi, je vois hein, tellement. On s'identifie à Bilal. Je suis allé fouiller dans le fond du bac à vinyle pour ce Vinyl Story d'aujourd'hui, puisque je vous ramène en 1980. Oh. Ouh. Oh. Ça pulse. 1980, l'année où en France, Coluche se présente aux élections présidentielles et où, outre-Atlantique, hein, dans un petit pays qu'on appelle les États-Unis, la musique disco-funk bat son plein depuis maintenant quelques années. Sortez donc vos plus beaux pantalons en pattes d'éléphant, les amis, et vos plus belles boules à facettes, puisqu'aujourd'hui, je vous parle de Kool & The Gang. Tout commence en 1964 dans la ville de Jersey City, juste à côté de New York. C'est là-bas que deux frères Robert et Ronald Bell fondent avec quelques amis un petit groupe de jazz appelé The Jazziacs. Influencé principalement par le jazz, donc le blues et les artistes qui côtoient dès leur adolescence comme James Brown par exemple, le groupe développe rapidement un style unique à l'intersection de toutes ces influences qui qualifieront eux-mêmes de jazz funk. En 1969, ils se font remarquer par un producteur, Gene Reed, qui leur propose un contrat sur son label Red Coach Records. Le groupe accepte de signer, mais à une condition, ils changent de nom. The Jazziacs devient alors Kool & The Gang, le nom que leur avait donné par erreur un directeur de discothèque dans lequel ils étaient venus jouer la même année. Vous savez donc, les gars, d'où vient le nom. Tout s'accélère après, James Brown les cite comme étant la meilleure, deuxième meilleure chose pardon, qui se fait aujourd'hui, après moi, évidemment. Il faudra néanmoins attendre leur sixième album en 4 ans. Hein. À l'époque, les mecs, ils n'avaient pas de temps à perdre. Pour connaître les réels premiers succès commerciaux, les rangs du groupe s'agrandissent aussi, puisque trois musiciens rejoignent le gang, du coup, on peut le dire, à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est notamment le cas de JT Taylor, qui est en fait le chanteur de Kool & The Gang et qui n'aura pas eu besoin de plus de quelques notes pour être embauché sur le champ à l'audition que tenait un groupe dans un petit bar. Le mec, rapide, efficace. Mais la musique est en train de changer et beaucoup de groupes anciennement funk se tournent vers une musique plus pop, histoire de toucher un public plus large. C'est de cette nouvelle direction que naîtront les titres les plus connus du groupe, comme notamment Get Down On It, le titre que j'ai choisi pour conclure ce Vinyl Story. La suite, vous la connaissez, une carrière teintée de succès, un Pioneer Award, 2 Grammy Awards, 7 American Music Awards et des semaines surtout à squatter le top des charts et puis surtout une influence quasi éternelle qui se retrouve encore aujourd'hui chez de nombreux artistes hip-hop. Alors une chose à dire, merci. Merci mon bon Steph, quel accent. Demain, rendez-vous à la même heure pour un autre vinyle que tu vas dépoussiérer. Et justement, Kool & The Gang, on écoute Get Down On It, le son le plus cool de l'époque. Oh, on portait sûrement bien son nom. 1983 si je ne dis pas de bêtises. 81 exactement. 80, et ouais, ça sent bon la soul et le disco. C'est pour vous sur StudioQuab. Belle après-midi. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on in. Que Steph vous a concocté aujourd'hui. Exactement. Dans Vinyl Story, Get Down On It de Kool & The Gang. Et bien sûr, évidemment. Je check ma montre, 17h19, vous êtes dans le GPS de StudioQuab. Bienvenue, hein, si vous venez de nous rejoindre. On commence tranquillement la soirée ensemble de 17 à 18h, comme d'habitude. Et vous ne bougez pas, il y a l'info qui arrive dans moins de 2 minutes avec Guillaume Verrec. Et puis Bilal aussi est rafouillé dans sa boîte à gants. Je crois qu'il a déniché un bon plan. Ouais. C'est d'ici quelques minutes. Mon amour s'en se laissera faiblir, faiblir. soir, à 18h30, ne manquez pas l'interview d'Emma de The Voice Kids sur Studek Web. Bonjour, c'est Emma de The Voice Kids. Je fais un gros bisou aux auditeurs de Studek Web. Rendez-vous à 18h30 pour tout savoir sur Emma, interviewée par Anaël Godefroy, Thomas Constantin et Lucas Foy sur Studek Web. Studek Web, les infos. 17h20, le point sur l'info, c'est avec vous Guillaume Verrec, bonjour. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Le projet d'accord répond au vote des Britanniques. Voilà l'argument que martèle Theresa May à ses ministres depuis 15h cet après-midi. Ils se sont réunis pour un conseil des ministres décisif sur la question du Brexit. En cas d'accord, un sommet européen exceptionnel se tiendra le 25 novembre à Bruxelles. Si toutes les parties s'entendent, un texte sera ratifié et l'Union européenne deviendra orpheline de l'Angleterre qui quittera l'Union le 29 mars 2019. Cuba rapatrie ses médecins présents au Brésil. La ministre de la Santé cubaine a informé l'Organisation panaméricaine de la Santé du rapatriement de 20 000 de ses médecins. Et ce à cause des critiques du nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro. Retour en France, à présent 6 ans de prison, c'est la peine requise contre Georges Tron, l'ancien secrétaire d'État à la fonction publique. Il est accusé de viol sur deux de ses anciennes employées. Amateur de réflexologie plantaire, sorte de guérison thérapeutique, il aurait profité de la vulnérabilité de ses employés pour effectuer des attouchements et des pénétrations entre 2007 et 2010. À 4 ans de prison ont également été requis contre son associé Brigitte Gruel et Georges Tron dénoncent un complot. C'est une contre-attaque des Gilets jaunes pour le moins originale. Une association de cyclistes de Saint-Brieuc en Bretagne invite les usagers de la route à laisser leurs carrosses sur le bord de la route afin de les rejoindre à vélo. Leur slogan, essence trop chère, changez de pompe. Pour rappel, 700 manifestations sont prévues samedi en France dans le cadre de la journée escargot pour protester contre la taxation du carburant. 25% des Français sont d'ores et déjà habitués au télétravail. Bientôt, ce pourcentage pourrait être revu à la hausse. Le gouvernement envisage d'obliger le télétravail pour limiter les arrêts de travail de plus de 6 mois, très coûteux pour l'assurance maladie. Cette solution permettrait de favoriser un retour progressif au travail. Soulagement pour les agriculteurs français, le Sénat a annulé une disposition du budget 2019. Le gouvernement souhaitait mettre fin à l'exonération des cotisations pour les saisonniers. Cette mesure ne verra finalement pas le jour. Selon les sénateurs, ce dispositif aurait condamné les exploitations à leur perte. La Chambre du commerce et de l'industrie de Lille accueillait cet après-midi les représentants de la Coupe de la Ligue. Et oui, tirage au sort des huitièmes de finale oblige. Un derby, des grosses affiches et David contre Goliath. Nantes se déplace à Rennes, donc pour le derby, je vous le disais. Nice-Guingamp, Marseille-Strasbourg, ce sera les affiches made in Ligue 1. Pour les affiches de Ligue 1, Lorient, 3e de Ligue 2, se déplacera à Monaco, en situation pour le moins compliquée. Et Paris ira à Orléans, le petit poucet de la compétition. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Ne manquez pas Studek Soir à partir de 18h sur Studek Web. Merci Guillaume. Prochain flash à 17h40. Studek, l'infotrafic. Ça bloque, ça roule. On en profite pour passer à la loupe le périph parisien. La circulation, c'est avec toi, Claire. Mais là, on va s'intéresser sur la circulation des transports en commun. Les trafics est plutôt fluide en ce moment sur ce mercredi 11 novembre, les RER A, B, D et la E. A noter toutefois que des travaux sont en cours sur ces lignes. Pour le RER A, le trafic est interrompu à partir de 21h30. De Maisons-Laffitte à Cergy, alors rassurez-vous, les travaux s'arrêteront ce vendredi. Pour le RER B de Aulnay à l'aéroport Charles de Gaulle, le trafic est interrompu à partir de 23h. Comme pour la A, les travaux prennent fin ce vendredi. Pour la D, attention, les horaires sont modifiés jusqu'au lundi 26 novembre, donc prenez note. Et enfin pour le RER E, certains trains sont avancés d'une minute de tournant à Saint-Lazare. Concernant le trafic sur les différentes lignes du Transilien, il est plutôt fluide. Attention, des travaux se situent sur la J, la N, la N et, la U. Rien à signaler en tout cas sur les lignes de tram, le trafic est plutôt fluide, ainsi que le métro. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci Claire, on refait un point avec toi dans 10 minutes. Le GPS, ça continue sur Studek Web. Bougez pas. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Studek Web. Studek Web. Ça va quand même coûter une blinde en carrossier cette histoire. Ah, le fameux jingle, 17h24, vous êtes branchés sur le GPS, hein, comme d'hab, Studek Web, bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre, welcome. Nous aussi, on sait recevoir, on vous régale de cadeaux. Justement, on fait un récap brièvement avec un nouvel indice pour le jeu, Steph. Exactement, et on va juste rappeler le tout premier indice que j'avais donné en début d'émission. La France de nouveau sous la canicule, vous en êtes forcément aperçu, toutes les régions sont touchées par cette vague de chaleur. Voilà, c'était la canicule, ça s'était passé pendant l'année, et je ne vais pas dire le nom évidemment. Ouais. Deuxième indice, le 20 octobre de cette année-là, les buralistes descendaient dans la rue. Le prix du tabac connaissait une hausse historique, plus 17,5% les amis. Il faisait passer le paquet de cigarettes à 2,50€ à la place de 3,36€. Est-ce qu'il y avait déjà les euros? Est-ce qu'on était encore au franc? C'est un indice de plus. Ouais. Voilà, vous savez tout. Vous nous appelez hein, pendant qu'on écoute l'artiste qui a cartonné à l'Eurovision offrant la première place à l'Israël. Le son est complètement taré, barré, tout comme le clip, je vous invite à le voir. C'est le tout premier tube de Netta, ça s'appelle Toy, comme un jouet. Et on est fiers de vous jouer sur Studek Web. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum pow, pum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, hey, hey, hey. My says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. Divine and he's about to regret. He's a buck up nothing but buck buck by it. Buck up nothing but buck buck. I'm not your buck up nothing but buck buck buck buck. I'm not your toy. Ça fait plaisir ça, c'est le tout nouveau tube de Netta, c'est Toy, c'est de l'Eurovision, ça cartonne. C'est que du bonheur, c'est Studek Web. Je regarde ma montre, 17h28 sur Studek, toujours hein, la radio. Oh, je vais la refaire, la radio. La radio quoi, la radio, la radio ouais. On est ravis de passer cette heure avec vous, avec quelques bugs, hein, forcément, on est en radio. Et vous êtes déjà pas mal à réagir sur le Twitter, hashtag GPS. Il y a Victorine qui nous dit « La réponse du jeu, c'est compris entre 80 et 2010. » Ouais, elle prend pas trop de risques. Ouais, elle prend pas trop de risques, Victorine. Ouais, hein, si elle tu veut pas se mouiller. C'est entre 70 et 2018. C'est une bonne piste, mais j'en dirais pas plus. Studek Web, c'est du talk, mais aussi beaucoup de musique. N'oubliez pas que sur la web de Studek, on vous joue les hits les plus chauds du moment. C'est 100% nouveaux talents, 4 heures entièrement consacrées à la musique, 14h-18h. Vous pouvez checker ça sur studioecoledefrance.com, de quoi compléter votre belle collection iTunes. Studek, l'infotrafic. 17h30, ça roule toujours dans le GPS, la transition parfaite pour aller refaire un point sur les routes avec toi Claire. Alors le trafic routier est plutôt dense aujourd'hui à 17h30, notamment sur le périphérique intérieur de Porte d'Italie à Porte d'Auteuil. Comptez 15 minutes pour sortir de Paris. Le périphérique extérieur, maintenant dans l'autre sens, de Porte d'Italie à Porte de Bercy, est aussi dense. Comptez 13 minutes pour en sortir. Accident sur la A104 de Mitry-le-Veuf vers Villeparisis. 3 véhicules légers sont impliqués sur 2 voies. Une seule voie est fermée, celle de gauche. Attention, autre accident sur la A86 de Fresnes vers Antony. 2 véhicules légers sont impliqués sur 2 voies. Une voie est fermée, mais cette fois-ci à droite. À noter, poids lourd en panne sur la A126. Attention sur la route. Merci Claire, faites attention à vous sur les routes. On fait GPS, mais on n'est pas chauffeur. Ah. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame. Vous savez pourquoi je vous arrête ? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Steph, Baptiste et Bilal pour te raccompagner chez toi ? Du lundi au jeudi de 17h à 18h pour Roule dans le GPS sur Studek Web. Hello, 17h30, c'est la mi-temps. Merci de nous retrouver, le bon goût de Studek Web dans le GPS. Merci de nous avoir choisis également et welcome. Si vous venez de nous rejoindre, on a les choses bien en main. On est à mi-parcours de l'émission, vous n'avez pas de raison de bouger puisque Bilal a déniché 2 ou 3 trucs dans sa petite boîte à gants. Tu peux nous en dire plus rapidement ? Je vous ai trouvé un bon plan pour ce week-end. Bah, pour ce week-end, ouais. C'est une destination à visiter. Yes, vivement ce week-end. Merci. Je vous rappelle aussi qu'on va jouer ensemble tout à l'heure, hein, puisque j'ai prévu un petit quiz sympathique pour vous, la team, avec Claire notamment. On verra lequel de Steph, Bilal ou Claire est le plus énervé du buzzer. Ah, j'ai hâte. Et on continuera aussi à vous émerveiller. Claire, encore, tu nous présenteras les histoires les plus dingues autour du globe dans le 24 heures sur la planète. Il y aura aussi de la musique et de la vraie musique, bien évidemment, puisqu'on écoutera ça. Love, L-A-O-V comme love, mais conjugué à la Ribéry, there is no way. Et puis un classique, on va pouvoir retrouver, yes, Thierry Hazard. Qu'on vous passe, hein, c'est tout sauf un hasard, voilà, elle est faite celle-ci. Ouais. Arrêtez-le ce mec. En attendant de pouvoir écouter ça, Steph, tu nous fais croquer un nouvel indice pour le jeu, juste après ce petit jingle que j'adore. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas. La marche arrière sur Studek Web. Allez, on joue. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Et avant de vous révéler le troisième extrait, Baptiste, j'aimerais qu'on réexplique les règles. Il y a déjà beaucoup de messages qui arrivent sur les DM de la page Facebook de Studek Web. Qui gère et il y en a pas mal. C'est Bilal aussi qui envoie beaucoup de messages pour essayer de gagner son propre cadeau, enfin bref. 4 indices pour une année à découvrir, en gros pendant tout le long de l'émission, voilà, je vous donne des indices, ils peuvent être illustrés par un son, des fois pas par deux sons. Là, on en est déjà au troisième indice, le tout premier c'était lui. La France, de nouveau sous la canicule, vous en êtes forcément aperçu, toutes les régions sont touchées par cette vague de chaleur. Cet après-midi, les températures ont dépassé les 40 degrés à l'ombre dans le sud-ouest. Et ouais, la canicule, c'était durant cette année, ça avait d'ailleurs causé 15 000 décès. La vague de chaleur s'était installée fin avril et avait fait monter le mercure au-dessus des 40 degrés. Le deuxième indice, c'était celui-là, le 20 octobre de cette année-là. Les buralistes étaient descendus dans la rue, le prix du tabac connaissait une hausse historique, plus 17,5%. Le paquet de cigarettes passait de 2,50€ à 3,36€. Quand on voit aujourd'hui à quel prix il est le paquet, on se dit que cette année-là, c'était une bonne année, hein. Indice numéro 3, une année plutôt moyennement joyeuse, et mon nouvel indice vient le confirmer, puisque cette année-là, l'actrice Marie Trintignant, fille de l'acteur Jean-Louis Trintignant, meurt tuée par son compagnon et chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat, admise le lendemain à l'hôpital dans un profond coma. Les médecins ne réussiront malheureusement pas à la réanimer. Si vous avez une idée de l'année dont je vous parle, ça se passe toujours par message sur la page Facebook Studek Web. Vous nous laissez votre numéro de téléphone, votre prénom et puis votre réponse aussi, bien évidemment. Merci mon bon Steph. Pour jouer, n'oubliez pas de trouver la bonne réponse. C'est ça, ça peut servir. Et je vais rectifier quelque chose que j'ai dit, parce que j'en dis des bêtises en une heure. Ah, on en dit. Il ne faut pas appeler, il faut aller sur Facebook. Exactement, ne nous appelez pas, ça ne sert à rien. C'est un stagiaire qui répond et il vient nous voir, on sait et pas quoi lui dire. Et qui n'est même pas payé pour ça. Bonne chance à vous. Tenez, j'ai une petite réaction d'Onatien là. Il nous fait les 3 mousquetons. J'ai un rancard ce soir. Et je ne sais pas quelle musique de Lover mettre pour mon repas aux chandelles. Une idée peut-être claire. Toi qui as un avis féminin. La musique de Lover, Claire. Féminin, voilà. Dis-nous, qu'est-ce qui te plaît ? Comment faire pour gagner ton cœur, Claire ? Alors, un petit cinéma. Alors, mais on parlait musique, parce que Donatien, il rame. Oui, mais là, voilà. Elle parle de la soirée. Il va faire un petit KFC aux chandelles. Tout commence par un cinéma, peut-être. Est-ce que t'as une musique, par exemple, Claire, que tu aimes pour, Dirty par exemple, Dancing. Pour draguer? Dirty Dancing. Dirty Dancing. Ça tourne sur du très Abba, bateau, hein. C'est très classique, mais Dirty Dancing. Ouais, le porté, faut faire le porté aussi. Ah non, mais le porté, mais je veux le porter. Ah ouais. Ah, c'est toi qui le porte. Ah bah, exactement. Donatien, tu es prévenu. Steph, toi, et bah moi je partirais sur un petit Marvin Gaye, hein, tu sais, je veux pas faire non plus dans l'originalité, ouais. Mais ça fonctionne tout le temps, ça, ça fait ses preuves. Et ouais, ça marche en général ou ah, pas? Ah, ça marche, ça a l'air de marcher. Et on finit avec toi, Belle. Moi, je... Je permets. L'attention sexuelle augmente dans le studio. Moi, bon, je vais pas mouiller un bon petit Drake. Un Steph, un petit Drake. Ouais, ça fonctionne, on est en 2018, ça fonctionne. Eh ben tout le monde est content et vous me demandez pas moi. Qu'est-ce que tu mets toi, Baptiste? Je mettrais un petit Whistler Careless de George Michael, tout à base de cuivre. Ah ça, ça sent que c'est un connaisseur. Ouais. Allez, est-ce qu'on passerait pas à la suite? Bah c'est oui. Maintenant. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Une école, une radio, et vous. Studek. Studek Web. Poussez le son. Et qui fait vos hits? Une école, une radio, et vous. Ah, c'est le bazar là-dedans. Peut-être ranger un jour. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La boîte à gants, c'est sur Studek Web. Studek Web 17h36, depuis le début de la semaine, on y a trouvé des billets pour un salon, hier une place de ciné et de vieux caramels apparemment. Cette boîte à gants est extraordinaire, on pourrait y loger toute la rédac de Studek Web. Bilal, je crois que tu l'as fouillé en long, en large et en travers. Ouais, t'as tout dit, je l'ai fouillé de fond en comble et on est en automne. Oh le temps se rafraîchit de plus en plus. Le travail, le transport en commun, les embouteillages, bref, si vous en avez marre de tout ça... Si on en a marre de quoi? De tout ça. Ah, la grisaille. Ouais, voilà. Ça, on connaît. Hein. Et que vous voulez passer à ça? C'est quand même plus cool. Ouais, déjà. Ça, c'est chill. Vous êtes au bon endroit parce que je vous ai concocté le petit plan week-end pour partir soit en couple ou entre amis. J'ai la destination qu'il vous faut. Imaginez-vous, sous 30 degrés à l'ombre, mer transparente. C'est pas un rêve, c'est abordable et c'est à 80€ aller-retour. C'est en Grèce, à Santorin. Je suis à l'aise en plus. Santorin, cette période, c'est pas loin du. C'est pas cher du tout. Et en plus, c'est à 1h30 d'avion. C'est pas cher, tu me le payes, on y va. 80€. Coucou, ouais, 80, c'est. Aller-retour en plus. Hein. Ouais, en plus, c'est la période parfaite. Les hôtels sont à des prix raisonnables. J'ai fouillé, j'ai fait de mon mieux. Et comment. Il a fait le comparateur. Ouais, j'ai été mon propre comparateur, ouais. Et sachez que j'ai dégoté un hôtel 5 étoiles. Le nom, c'est Skyfall Suites. Piscine, ça. Spa, hammam, salle de muscu pour toi Baptiste, je sais que t'adores. Et pour une réservation, pension complète et pour 3 jours, le montant est 200€. Donc voilà. Plan. Très correct. C'est parti en Grèce. Si tu vas avec ta copine ou tes amis, ton copain, tes amis, voilà, ça fonctionne. Donc si vous avez, si vous savez pas quoi faire en week-end prolongé, ben voilà, je vous mettrai le lien de où trouver ce bon plan sur le Facebook de l'émission. Et voilà. Est-ce que tu merci as des, un petit teasing pour le plan de demain, Bilal? Pour demain, ouais, je suis encore en train de fouiller parce que tu le sais, la boîte à gants est plutôt grande, donc je suis encore en train de fouiller. C'est un peu le bazar. Allez, restez là sur Studek Web. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Comme Bob Marley, je dis ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Just meet me in the middle, middle, in the middle, middle. Studek. retrouvez-moi demain dans l'émission Borderline de 15h à 16h. Et je ne serai pas seule puisque je serai en compagnie de Julie et Coco. On parlera musique, mais aussi sortie ciné. Et surtout, vous pourrez gagner un pack StudecWeb. Et tout ça, c'est uniquement sur StudecWeb. Hey, moi c'est Julie, hein. Ne loupez surtout pas Borderline, parce que sinon, StudecWeb. StudecWeb. Studec. This is why I clash up. StudecWeb. 100% nouveaux talents. 100% nouveaux talents. Une école, une radio et vous. ...17h40, les titres du journal de Studec Soir, développés avec vous, Cyranouche Kalatian. Bonjour. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Au programme de Studec Soir, aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe a tenté d'apaiser les tensions avec les gilets jaunes contre la hausse des prix du carburant ce matin sur RTL. Toutes les nouvelles mesures et toutes les propositions du gouvernement. Nos journalistes vont revenir en détail sur ces déclarations. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qui vous attend ce soir. Non, on ne va pas annuler les hausses de carburant. Non, on ne va pas annuler la taxe carbone. On s'est engagé pendant la campagne présidentielle à organiser un système dans lequel on va progressivement faire peser sur le pétrole et donc sur le carbone et donc sur la pollution une partie des prélèvements fiscaux plutôt que sur le travail. Le Brexit se précise petit à petit. Theresa May a déclaré que le projet d'accord répond au vote des Britanniques. La Première ministre était ce matin au Parlement pour défendre cet accord devant les députés. Marine Redon reviendra en détail sur les avancées concernant le Brexit. Aujourd'hui, gros volet juridique. Accusé de viol par deux anciens employés, Georges Tronc pourrait être condamné à 6 ans de prison. Toutes les réquisitions et le déroulement du procès seront expliquées par Eladji Kouaté. Autre procès, celui de l'ogre des Ardennes, Michel Fourniret. Un autre fait divers qui est actuellement en plein procès judiciaire. Nous reviendrons sur toutes les réactions des accusés. Enfin, la météo pour finir. Le soleil commence à laisser sa place à la grisaille dans le nord de la France et les températures se rafraîchissent tout doucement. Voilà le programme du journal. Retrouvez toute l'équipe du Studec Soir présenté par Maxime Gondelot. Mais pour l'instant, je vous laisse avec l'équipe du GPS avec Baptiste. Merci Cyranouche. Votre prochain rendez-vous avec l'info à 18h dans Studec Soir. Studec, l'infotrafic. On fait un rapide point circulation avec toi, Claire. Le trafic routier est bouchonné, même voire très très dense aujourd'hui à 17h40, notamment sur le périphérique intérieur de Porte d'Italie à Porte Maillot. Comptez 35 minutes pour sortir de Paris. Le périphérique extérieur de Porte d'Auteuil à Porte de Lens est tout aussi dense. Comptez 40 minutes pour en sortir. Accident, je le rappelle, sur la AS sur l'autoroute 104 de Mitry-le-Veuf vers Ville Parisie, trois véhicules légers sont impliqués sur deux voies. Une seule voie est fermée, celle de gauche. Attention, autre accident sur la A86, cette fois-ci, de Fresnes vers Antony. Deux véhicules légers impliqués sur deux voies. Une voie est fermée, cette fois-ci à droite. À noter, un poids lourd est en panne sur la A126. Attention également, un animal errant est sur la A86 de Nanterre vers Beson. C'est une trois voies cette fois, la bande d'arrêt d'urgence est fermée. Attention sur la route. Merci Claire, restez prudents sur les routes et écoutez-nous. Au volant, ça passe beaucoup plus vite. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur StudecWeb. StudecWeb. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. C'est toujours la même histoire. Et je vais jamais y arriver. 17h43, je fais aussi horloge parlante. C'est votre dernière chance de jouer au jeu de la marche arrière. Alors venez nous laisser votre message en MP sur la page Facebook StudecWeb. Steph, tu nous lâches le dernier indice que tout le monde attendait. Exactement. Et juste avant ça, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va récapituler tous les indices précédents. Allez, let's go. Le premier. La France, de nouveau sous la canicule, vous en êtes forcément aperçu, toutes les régions sont touchées. Voilà, ça c'était le premier indice, une canicule, quand est-ce que ça s'est passé? C'est à vous de nous le dire. Deuxième indice, c'était le prix qui avait augmenté le prix des cigarettes, voilà, qui était passé de 2,50€ à 3,36€. Le troisième indice, je vous l'avais dit tout à l'heure, une année plutôt moyennement joyeuse, puisque c'était l'année de la mort de Marie Trintignant, tuée par son compagnon et chanteur du groupe Noir Désir. Et le dernier indice, voilà, je vais vous le dire maintenant, dernière chance de venir participer au jeu, de nous laisser votre message sur la page Facebook Studekweb, c'est celui-là. Je voulais finir avec plus d'indices par une musique sortie cette année, bien évidemment. C'est que c'est cool, on mais c'est qu'elle continue à tourner dans façon. Nos playlists. Voilà, ça vient tout droit d'Atlanta. Et bonne c'est chance. Extrait d'un bel album. Et oui, et quand j'aurai les trois premiers, je ne peux. On va se faire. On l'écoute, l'indice numéro 4. Exactement, c'est numéro 4. 15. She loves me so, and this I know for sure. De la marche arrière et remporter votre visite VIP de Studekweb, le bon son de Outkast sur Studekweb avec Aya. Mesdames et messieurs, bienvenue au sein de notre compagnie GPS Airlines. Je serai votre commandant de bord pour ce voyage au bout du monde. Mon équipage et moi-même vous souhaitons un agréable vol. Laissez-vous driver. 24 heures dans le monde, la parenthèse enchantée sur Studekweb. Ah, ça sent bon les vacances, tout ouais. Ça. Chaque semaine, elle a 2 minutes pour sortir des dossiers qui vous donnent le sourire. Claire, l'atout charme de la Reda, qui est allée chercher les meilleures infos autour du globe dans le 24 heures sur la planète. Exactement, alors rien d'extraordinaire, je vous emmène en France. Nous allons parler de calendrier, les garçons. Adieu les gentils chatons dans leur panier en osier, après les rugbyman et leur dieu du stade. Messieurs, les facteurs ont décidé eux aussi de réaliser un calendrier sexy. Alors, à votre avis, quel est le nom du calendrier? La lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Alors effectivement, pardon, dis-moi Bielal. Non, j'ai eu aucune idée. Eh bien écoutez, il y a bien le mot lettre, c'est homme de lettres. Moi j'aurais dit homme timbré. Hein. Ok. Voilà, ça passe aussi, ça ouais. Passe. Elle est plus drôle que nous trois. Ouais. C'est vrai. Donnez-lui le micro. Alors sachez quoi. Qu'il sera vendu 19,95€ aux côtés de ceux un peu plus classiques hein. Proposés chaque année par les postiers, leur traditionnelle tournée des étrennes. Vous aimez-vous cette période? quand les ouais. postiers arrivent chez vous, ils vous donnent le calendrier. Moi, non, ça moi, me gonfle. Toujours mais tu peux choisir. Pompiers, moi. Vous aimez bien ? Chaque année, un nouveau thème. Oh, non, moi, ça me gonfle. Bon. J'ai toujours préféré les postières aux postiers, personnellement. Alors, sachez que les bénéfices de la vente de cette édition un peu particulière ne serviront pas uniquement à arrondir les fins de mois. Une partie des bénéfices financera les actions en milieu hospitalier, je vais y arriver, de l'association des Blues Roses. D'ailleurs, j'ai une question, les garçons. Est-ce qu'un calendrier Studec Mal ici, ça serait possible ? Ouh, allez, ça commence tous maintenant. Allez, hop. Allez, c'est parti, on enlève. Allez, parlons de choses plus sérieuses à présent. Ça s'est passé à Paris. Messieurs, un homme a volé une chèvre au jardin des Tuileries. Ah, j'ai vu. Les faits remontent à 8h30, hier matin. D'après une source proche de l'enquête, un homme a d'abord tenté d'emporter deux chèvres chargées de brouter les pelouses du côté du Louvre. Empêché par des agents, le suspect n'est parvenu à n'emmener qu'une seule des biquettes, alias Biki, la biquette. Oh, oh là là. Il a alors c'est pris original. La direction du métro pour emprunter la ligne 1 qui, comme vous le savez, dessert de nombreux sites touristiques, qui soit dit en passant, et la spécialiste des trafics interrompus. Il est 8h39, des agents repèrent un individu avec une chèvre à la station Tuileries. C'est ce qu'a confirmé en tout cas la RATP. Visiblement, l'homme était menaçant, agressif, refusait de coopérer, enfin de sortir du wagon quoi. La RATP a alors interrompu le trafic entre les stations Châtelet et Concorde pour permettre l'intervention de la police. Alors j'ai une question, à votre avis, est-ce que Biki la biquette a survécu ? J'espère pour ouais, Biki la biquette. Alors rassurez-vous, elle a été prise en charge par des agents des jardins des Tuileries et la personne a été interpellée. Le trafic a pu reprendre sur l'ensemble de la ligne 1 à 8h56, les garçons. Merci. Et voilà. Wow. L'enquête continue 17h50 sur Studec Web. Il est l'heure de jouer. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier, cette histoire. Le jeu de la marche arrière avec toi, Steph. On va accueillir quelqu'un au téléphone, peut-être un futur gagnant. Exactement, on l'espère. C'est Florestan qu'on accueille. Salut Florestan. Ah. Salut Stéphane, salut tout le monde. Florestan, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Eh bien, écoute, je suis technicien orange. C'est vrai que t'es technicien orange ? Vous désinstallez les lignes, là, non, ouais, j'ai exactement. Lu. Exactement, et bah là, tu vois, je t'appelle entre deux désinstallations, justement. Ah, et bah écoute, on espère te faire gagner entre ces deux désinstallations. Florestan, tu nous appelles parce que tu penses savoir de quelle année on parle depuis le début de cette émission dans la marche arrière. Ouais. J'écoute ta réponse. Écoute, je dirais 2003. 2003, quel indice t'as mis sur... L'augmentation des cigarettes, là, quand tu as annoncé... Ah, on a un fumeur. Tu es un fumeur, Florestan. Ce n'est pas bien. On va voir si tu as la bonne réponse, Florestan. On découvre ça tout de suite. Attention. Et c'est gagné, Florestan. Bravo. Ah, c'est bravo la folie, à toi, hein. Florestan. Et ben, on va prendre tes coordonnées, tout simplement. Et puis, tu viendras nous retrouver sur Studec Web dans les studios. Félicitations, Florestan. Salut. On prend tes coordonnées en antenne. Il s'appelle Love et est accompagné par Julia Michael. C'est une musique partage, une musique plaisir pour les lovers. Je pense à Donatien. There is no way sur Studec Web. Bonne soirée. Le son qu'il vous faut, c'était Love avec There is no way sur Studec Web. Vous êtes arrivé à destination. Ah bon, mais c'est une intersection là, je fais quoi, droite ou gauche ? À gauche. À droite. Oh mais faites demi-tour, débrouillez-vous. À la base, je voulais être chanteuse, moi. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. On va jouer plus tôt. L'intersection sur Studek Web. Je regarde la pendule, 17h54, c'est bientôt l'heure de passer le relais à Studek Soir, mais avant ça, j'avais envie de jouer avec vous, parce qu'on est un peu des grands enfants, hein, Claire, ouais. Tout le monde. C'est vrai. Et ça tombe bien, puisqu'on a créé un truc pour ça. Voilà, on est dans l'intersection, le grand jeu. Je vais poser les bases. Alors, je vais vous demander de vous écarter les uns des autres. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien. Ah. Puisqu'à partir de maintenant, il n'y a plus qu'une seule et même équipe, mais bien deux. Il y en a deux, Steph et Bilal, nos animes. Et de l'autre côté, Claire, notre amie de la rédaction. Tu es prête ? Je vous parlais de parité. Dis-toi que tu vaux deux fois les animateurs. Deux fois plus futé qu'eux, en tout cas. Tu es censé, en tout cas. Notre troisième mousquetaire. Une question par équipe, réponse ouverte aujourd'hui, exceptionnellement. Ah. Et en cas de match nul, on partira sur une... Belle. J'ai l'impression d'être Jean-Luc Lepers, le sosie non officiel. Je vous rappelle que pour l'instant, en trois émissions, pas de gagnant. Alors, trucage, pas trucage. C'est vrai. On a du mal. Allez, rapidement, honneur aux dames. Claire, oui. Première question. Voici la question. Le chanteur Jules est sur un bateau. Le bateau coule. Qui est sauvé ? T'as 5 secondes. L'orthographe, c'est... Oui, c'est plein d'esprit. Votre réponse, Steph et Bilal. Jules est sur un bateau. Le bateau coule, malheureusement. Qui est sauvé ? La France. Vous étiez l'industrie pas loin. Musicale. Et malheureusement, vous avez perdu tous les deux. C'était le rap français. Bah, il a dit l'industrie musicale. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas de gagnant. Pauvre Jules, on l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Tu vois. Ouais, on a l'habitude. Ouais, bien. Ça fait luge à l'envers. Ok. Bah, sa carrière qui va glisser. Okay. Glisse tranquillement vers le bas. Allez, une petite question pour vous départager. Donnez-moi le nom du dernier morceau de musique que nous allons écouter avant 18h dans Studek. Thierry Hazard, le jerk. Oh, monsieur. C'était une rapidité. Non, là, écoute, non, victoire des animes, on peut s'applaudir. Yes, c'est courageux. Et on va se dire tranquillement elle au revoir, facile, je suis les enfants. Elle était facile, mais on prend cette victoire. Il n'y a pas de victoire facile. Merci avec des à tous. Le GPS est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, sur Studek Web. Et on vous promet une histoire différente tous les jours. Merci à Quentin et à Max de l'AREA qui ont orchestré cette émission avec brio. C'est je vais remettre Mozart. Des syllabes. Merci à vous, monsieur, messieurs. Un petit mot pour la fin, rapidement. Eh bah, écoute, bah, à demain pour une nouvelle émission pleine d'aventures. Exactement, merci à toi Claire de t'être prêtée au jeu de l'animation et surtout merci à vous de nous avoir permis de passer le début de soirée avec vous. J'espère que vous avez pris du bon temps, en tout cas nous, oui.